run, fatty on the track. Zed. J'suis dans la soucoupe, j'les découpe. Alors écoutez, énervez le couplet. Toujours placé dans le top, faut pas te louper. J'mets des nuques, faut pas louper. Trop petit me regarde, j'monte pas la drogue et les armes poteaux. J'suis obligé de flouter, mais rien à prouver. Qui sont moi douter, sache que c'est souvent celui qui cherche qui finit par trouver. Opérationnel, j'ai le game sous ma semelle. Tout le mois le jour se paye. Ce que j'aime sur eux, je veille. J'ai fait des roulettes, j'ai mis des cerveaux sur veille. J'suis tout en survol, j'ai beau essayer de surfer. Au lieu de dire qu'il y a trop d'autotune, ferait mieux de savoir ce que leur servait. Dédicace à ce qu'on fait, ce qui survit avec le cerveau. Là reste pas beaucoup avec la mentale d'avant. Et ouais, j'y service. C'est pour la jeunesse, ceux qui connaissent. Pour ceux qui parlent pas, pas ceux qui promettent. À fond la caisse, loin de la thèse. Y'a plus de respect que ça t'agresse. Et si tu brasses, sauf qui peut. Malheureux, mais y'a que des jaloux. J'ai tout donné, pas qu'un petit peu. Si j'suis là, ma team, c'est grâce à vous. Chaque jour, j'en apprends. Tout ça me désole. Le bonheur, je l'attends. C'est toujours la même. Chaque jour, j'en apprends. Tout ça me désole. Le bonheur, je l'attends. C'est toujours la même. Body pop, pop, body pop. Body pop, pop, pop. Body pop, pop, body pop. Body pop, pop, pop. Plein de t'inquiète, on est plein. Demain tu vas tailler si j'ai des pépins. Oh des gains, plus de marche arrière quand t'as cassé les freins. Faut que je fasse le vide dans ma tête. Ils veulent mettre plein de trucs dans ma tête. En ce moment que je gamberge, faut que j'arrête. Va falloir que je change de planète. Tu me critiques, je fais pas trop lower. Laisse-moi soloer. Quoi qu'il se passe, je perds pas le sang-froid. Je leur rentre dedans, la max soloer. Survette d'épée Salomon. Je nique l'instrument, ça le ment. Tellement que ça veut faire des featuring. J'aurais pu porter plainte pour harcèlement. Monde de dingo, ils ont camouflé dans le kangou. Nique sa mère le resto, s'ils font, on mange des pâtes sans goût. J'prends plus l'heure, faut lâcher choc. J'vois le poteau, il a sa plaque qui s'échappe. L'a rien compris, j'ai compris. C'est comme celui qui va au Dallas qui mange des chattes. Alors qu'il est, c'est corsé. C'est bizarre, tout est faussé. J'me demande pas, tu m'entends pas. Comme une guitare, j'suis bien boxé. Oh Freddy, c'est moi Elito Fraise. Ça parle de moi tout ça pendant que moi j'progresse. En état d'ivresse. Chaque jour j'en apprends, tout ça me désole. Le bonheur je l'attends, c'est toujours la même. Chaque jour j'en apprends, tout ça me désole. Le bonheur je l'attends, c'est toujours la même. Body pop pop, body pop, body pop pop pop, body pop pop, body pop, body pop pop pop.